بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أخذنا أمس بداية هذه الرسالة واستفدنا أن المسلم ينبغي له أن يعتني بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. chaque مسلم il doit prendre du temps حتى يكون la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et on a cité des livres في هذا في السيرة، يعني من أهمها زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. كذلك on a cité السيرة لابن هشام والسيرة النبوية للإمام ابن كثير رحمه الله والفصول لابن كثير كذلك. ونضيف إلى هذا السيرة كتاب السيرة لابن إسحاق، كتاب طيب. ومن الكتب النافعة كذلك مختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المؤلف رحمه الله. L'auteur de la risala qu'on fait, شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، il a un kitab نافع. مختصر السيرة. C'est un résumé. Celui qui veut des connaissances de السيرة, il commence par un petit livre, أحسن له. إما il commence par مختصر السيرة de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahab, ou il commence par Al-Fusul ibn Kathir. كذلك من الكتب الطيبة صحيح السيرة النبوية لمحدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله. إلى كتاب نافع صحيح السيرة، وهو إلى ديستانجي إلى شوازي بصحيح فقط، وهذا سعمل طيب رحم الله الجميع. فهذه كتب مهمة في السيرة. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ومنهم من انحرف وجاء بشركيات وحث على التبرك بالآثار، وجعل هذا هو المقصود من قراءة السيرة. وهذا تقدم معنا أن بعض كتب الضلال يستسغ دو كتب السيرة pour propager leur égarement. Imma shirk imma bid'a. Wa min hadhihi al-bid'a at-tabarruk bil athar. Wa hadha la asl lah. Mathalan, ba'd al-juhal, ils ont lu sira. Ils ont appris anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il adorait Allah subhanahu wa ta'ala fi ghar Hira comme ça yati. Ba'd ad-dullal, ils ont compris min hadha annahu c'est bien d'aller visiter cette grotte. C'est bien d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala هناك. هذا لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit. ثم il a reçu la révélation et il nous a montré السنة. Et dans la sunna, il n'y a pas qu'il faut aller dans cette grotte أبدا. في أيام الحج والعمرة بعض الناس ils ont rendu cet endroit avec le salam. تفضل. بعض الناس لا بد في الحج يزيت la grotte. Il n'y a aucun lien avec le hajj et la grotte هذه. لكن الجهل. قال وجعل هذا هو المقصود من قراءة السيرة، ولكن هذا لا عبرة به، لأن كلا ينفق مما عنده. الذي عنده شيء جيد، الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا. نعم. والذي عنده شيء رديء ينفق رديئا. هذا معروف. فالإنسان يتحرى. Comme on a expliqué hier, يتحرى. Il prend l'ilm عند أهله. Il prend l'ilm عند أهل السنة. أما tu prends le ilm d'une personne mauvaise, il donnera de mauvaises choses. إما égarement, إما بدع. قال والحمد لله نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل وأن يردهم إلى الحق ونحن لا نتندر بهم. فلا شك أن شيخ الفوزان dès qu'il cite مثل هذا الكلام أن بعض الناس ils ont des erreurs fi kada annahum kada, c'est pas pour se moquer ou pour se vanter ou abadan. Lakin al-alim as-sunni il met en garde contre le khata. Et il met en garde contre cette personne qui propage des khata, des erreurs, égarements, il a akhir. Amma la personne elle-même, tu trouveras un ulama sunnah, ils lui veulent du bien. Le fait qu'il mette en garde contre lui, c'est qu'ils veulent son bien. La'allahu, il revient au haq. Yawm al-qiyama, il aura moins de suiveurs, il rendra moins de comptes, il a akhir. Amma, crois pas que le fait de se taire sur un égaré, tu l'aides, abadan. Si tu veux son bien, montre ses erreurs, conseille-le. S'il n'accepte pas, mets en garde. Maintenant, on parle al-alim, ou al-talib, al-mutamakkin, celui qui a du ilm. Il met en garde, il a akhir. La'alla, cette personne, il revient, il a le haq. Amma, faire vouloir tomber la personne, prendre le dessus, wal-iyadu billah, c'est pas min maqasid al-tahdhir. Abadan. Abadan. Hada, c'est un marad. Celui qui veut prendre le dessus, celui qui veut faire tomber Foulad. Chaque musulman, tu dois vouloir sa guider. Et tu fais tout en ta. Tous les sababs que tu as, toutes les causes pour le guider. Et parmi les causes, si il a des erreurs, le fait de le conseiller, le fait de mettre en garde contre les erreurs. Les erreurs, il y a des personnes qui l'écoutent. Khasatan, c'est un da'i ilallah. S'il a des livres, il a des cassettes, il a akhir. Les mises en garde, c'est pour son bien. Amma, le fait de se vanter ou vouloir faire tomber Foulad, abadan. واسمع كلام شيخ فوزان قال لا نتندر بهم لئلا يصيبنا ما أصابهم ولكن نسأل الله لكن نسأل الله العافية عليكم السلام نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب. الإنسان أبدا يسمك أو il est content de l'égarement d'une personne. لا الله سبحانه وتعالى il peut t'éprouver. وأنت si la personne c'est un musulman, tu dois aimer pour lui ce que t'aimes pour toi-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. Et هذا ça pousse pas à se taire. On montre ses erreurs, il a akhiré, on le conseille et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le guide. T'as vu l'an anna Cheikh Al-Fawzan, il a fait du'a. Il a fait du'a qu'Allah il le guide. لأن si Allah il le guide, c'est un bien pour la umma. Anta tasawwar anna tous les égarés qu'il y a l'an avec leurs kutub, leurs cassettes, il a akhiré, s'ils reviennent à la tariqat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, ça va faire du bien à la umma. وكثير من الناس vont apprendre le haq ila akhiri. Anta tasawwar annahum yrest égaré. Ça fera du mal à beaucoup de personnes. وانت ايها المسلم, tu dois pas espérer le mal pour ton frère, abadan. Lakin, بعض الناس ils écoutent pas le conseil, بعض الناس ils acceptent pas le haq. T'as pas d'autre solution de mettre en garde contre lui et ses erreurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide haoula. ويكفي شرهم يعني عن الأمة. قال فالمقصود من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الاعتبار العمل الاقتداء. نعم فالو فات دتيدي لا سيرة كما on a expliqué hier. أولا t'apprends, deuxièmement t'appliques. Ton but c'est de faire comme il a fait le Nabi عليه الصلاة والسلام, en distinguant as-sahih min al-da'if. Bien sûr il y a des choses dans la sirah, c'est pas sahih. C'est des hadiths da'ifa, parfois c'est des israéliyat, parfois c'est des manakir, parfois al-muhim, c'est pas des hadiths authentiques abadan. Fa la personne hada yani il fait attention. Qala wa akhd al-ahkam minha, hada huwa al-matlub. Fa c'est ça le but, c'est ça sirah an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sunna comme on a expliqué hier. Enfin, nous, on apprend la sirah pour savoir, pour connaître la vie de notre prophète alayhi salatu salam et pour le suivre. Léana, si tu connais une chose, tu peux la suivre. Comment tu vas suivre une chose que tu ne connais pas? Qala léana hayatahu sallallahu alayhi wa sallam kullaha khayr wa kullaha ilm wa kullaha amalun salih wa kullaha jihad wa kullaha da'wah wa kullaha ta'lim. Alayhi salatu salam afdal al-bashar. أفضل البشر فأنت تدبخفت من هذا الخير. الله سبحانه وتعالى il lui a révélé le Coran, il a fait de lui un prophète, un messager عليه الصلاة والسلام, et sa vie كما قال شيخ فوزان, sa vie c'est que du خير, c'est que du علم, que du عمل صالح. C'est un exemple pour toi أيها المسلم. Et celui qui prend ce modèle كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Tu ne trouveras pas un meilleur modèle que le prophète alayhi salatu salam. Tu trouveras la vie de cette personne, il sera à la khair. Il a un modèle. Il a un modèle. Et c'est le prophète alayhi salatu salam. Amma, la personne qui prend un modèle, il prend un kafir, ou un raïa, ou un fasiq. Si le modèle il est à la char, imagine celui qui suit. Il sera à la char. قال حياته صلى الله عليه وسلم فائضة بالخير العظيم من جميع النواحي كلها عبادة نعم كلها عبادة كلها دعوة كلها جهاد النبي صلى الله عليه وسلم صافي هذا قوله حياته عليه الصلاة والسلام فائضة أي elle est pleine elle déborde quelque chose de فائض أي qui déborde فائضة بالخير أي elle est pleine elle déborde de خير قال علينا أن نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم والشيخ أخذ منها ستة مواضع مهمة والبقية موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم لكن هذه المواضع تتعلق بالعقيدة نعم بالعقيدة بالتوحيد هذه رسالة نافعة c'est un premier pas في السيرة طيب 6 points et sa relation avec التوحيد فقط il ne citera pas des autres points il va citer que des points qui ont lien avec التوحيد il ne va pas tous les citer لأن la vie du prophète صلى الله عليه وسلم كلها في التوحيد لكن il a cité 6 points importants نستفيد منها الآن t'as compris pourquoi il a appelé Cheikh l'Islam sa risala ستة مواضع من السيرة أي il a choisi 6 points de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم في التوحيد قال شيخ الإسلام رحمه الله لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه c'est ça المهم الآن si t'as compris la vie du prophète عليه الصلاة والسلام sa biographie tu vas savoir أنه عليه الصلاة والسلام il a appelé au tawhid Laïl Nahar, nuit et jour, il a appelé au Tawhid. Et il met en garde contre le shirk. Enfin, tu vas comprendre un tel an, c'est quoi la religion des prophètes, Din ou l'Anbiya. Et tu vas connaître c'est quoi Din ou l'Mushrikin. Tu vas savoir c'est quoi la chose qui te fait rentrer vers l'Islam, vers l'Iman. Et tu vas savoir c'est quoi qui a empêché le Mushrik de rentrer vers le Din. Et ça, c'est min a'zam al-umur, les musulmans. Ils connaissent son Din et ils connaissent Din al-Kuffar. Il connaît son dîn pour l'appliquer, il connaît ce qui contredit ce dîn pour s'en éloigner. هذا الشيخ الفوزان حفظه الله إذا أشرح هذا الكلام بكلام جميل قال هذا المقصود من دراسة السيرة أنك تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفهم التوحيد لتتبعه وتفهم الشرك من أجل أن تجتنبه نعم Et tu comprends, Tamin, la chose la plus importante dans la biographie du prophète, c'est Hada. C'est son appel au Tawhid et sa mise en garde contre Shirk. C'est ça la chose la plus importante. C'est pour ça que sa vie, elle a commencé bi Hada. Comment ça y est, le prophète, à Mecca, la période à Mecca, il appelait qu'au Tawhid. Et il est mort à la Hada. Et il est mort, il appelait au Tawhid, alayhi salatu salam. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا الحديث كما تعلمون على فن لفيد بروفة صلى الله عليه وسلم إذا على فراش الموت إذا ستلا مالدي تسامو عليه الصلاة والسلام إيه إلي غديزا مثل هذا الكلام إلي متى أغار دو بخان دي طنب مساجد لأن إسي عليه الصلاة والسلام أن سي une porte qui pousse les gens à faire du shirk le début de sa vie il appelle au tawhid il met en garde contre le shirk la fin de sa vie il appelle au tawhid il met en garde contre le shirk La chose la plus importante de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est son appel au tawhid et sa mise en garde contre le shirk. قال فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق فقط بل لابد أن يعرف الحق ويعرف الباطل يعرف الحق من أجل أن يعمل به ويعرف الباطل من أجل أن يشتري أن يتجنبه لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري وهذا أمر مهم أن المسلم comme il conseille le Cheikh al-Fawzan huna anna al-muslim il doit connaître le haqq il doit connaître la vérité pour la suivre et il doit connaître le batil pour s'en écarter lianna ta'lamoun anna al-haqq ahyanan il se mélange بعض الناس il croit maintenant que cette qadiya ou cette mas'ala c'est haqq et c'est batil s'il ne connaît pas le batil il ne pourra pas distinguer il va croire que des choses c'est haqq et c'est batil Enfin, tu dois connaître le haqq et tu dois connaître le batil. Tu connais le haqq, tu l'appliques autant que tu peux. Fattaqullah ma stata'tum. Et tu dois connaître le batil pour t'en écarter. Wa ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Enfin, la personne doit connaître le tawhid, il l'applique. Et il doit connaître c'est quoi le shirk, il s'en écarte et il met en garde. Il doit connaître le sunnah, il l'applique. autant qu'il peut. Il doit connaître le bid'ah, il s'en écarte et il met en garde. Wahakada. Il connaît le halal. Et il connaît le haram. Qala, hafidhahullah, فأنت عندما تسير في طريق وأنت لا تعرف هذا الطريق وفيه حفر وفيه مهالك وربما تهلك وأنت لا تدري. هذا صان اكزامبل طيب. الشيخ الفوزان حفظه الله يسيت ان اكزامبل pour t'expliquer, pour t'éclaircir plus. انك طريق مثلا يدون اكزامبل d'un chemin, d'une route. فأنت si tu connais الطريق طيب, tu sais qu'il faut, tu pars d'un point A et tu arrives à un point B. Tayyib, tu connais la route. Lakin, si dans cette route, il y a des crevasses, mathalan, il y a des trous, mathalan, il y a des obstacles, enfin, si tu ne les connais pas, tu auras du mal à arriver au point B. Voilà où si tu connais la route. Voilà où si tu connais la route. Tu sais qu'il faut passer par là. Lakin, mathalan, il y a une crevasse, tu tombes dedans. Tu ne pourras pas arriver le point que tu veux. Amma, une personne, mathalan, il connaît le tariq. C'est ça le haq. Et il connaît les obstacles, c'est ça le batil. Tu trouveras qu'il prendra tariq et il évitera les obstacles. Tu trouveras hada bi ibnillah, il arrivera au but. Fa hada c'est un mital tayyib. Qala wa fihi hufar wa fihi mahalik rubbama tahlak wa anta la tadri. Wa hada yufiduk an la personne peut connaître le haq, il veut le bien. Il veut arriver matalan huwa. Il veut arriver au but. Lakin il connaît pas le shar. Fa il peut tomber dedans. Il peut tomber dedans. فَلَا بُدَ الْإِنسَانِ il apprend le haq et il apprend le shir. حتى il applique le haq et il s'écarte du shir. قَالَ تَقَعْ فِي الْحُفَرُ وَأَنْتَ مَا دَرَيْتَ لَكِنَّكَ إِذَا دَرَسْتَ الطَّرِيقِ فَعَرَفْتَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَسَالِكِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَخَاطِرِ مِنَ الْأَخْطَارِ فَإِنَّكَ تَكُونَ عَلَى بَيِّنَةِ تَتَجَنَّبَ الْمَهَالِكَ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ. Si tu connais les deux, tu seras à la khayr. On l'a vu beaucoup à la fi al-tawhid. النفي والإثبات وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت يكون الطاغوت يكفر به اللي غجد أي تسكي أدوغي أن دوغد الله سبحانه وتعالى يكون الحق ويؤمن بالله يستمسك الإيمان بالله عز وجل. فهذا تلتخفغ إلى متمسك بالعروة الوثقى يكون لا إله إلا الله تلتخفغ إلى دين قوي. أما بعض الناس الآن مثلا يكون كل خير. Il dit na'am, j'aime Allah, j'aime son prophète, il fait salat il akhiré. C'est du khayr hada. Il connaît pas le shir. Ba'd an-nas matalan il adore une tombe. Il connaît le khayr, lakin il fait plus la distinction, il adore une tombe, shir. T'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Fa il aurait ce mizan, il connaîtrait le haq, il l'aurait appliqué, il connaîtrait le shir. Il s'en écarterait, il serait à la khayr. Qala hada fil umur al-hissiyya kadhalik fil umur al-aqadiyya min babi awla. Na'am, l'exemple qu'il nous a donné, la route. L'exemple qu'il nous a donné, c'est vrai, pour te rapprocher un tas, pour t'éclaircir plus. قال فلا بد أن تعرف الباطل تعرف الشرك وما هي أنواعه وما هي أسبابه وما هي الوسائل التي توصل إليه حتى تتجنبها. Et le shir le plus important que tu dois connaître, c'est le shirk billah. C'est le plus grand mal. قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. C'est le plus grand ظلم. Tu ne trouveras pas un shir plus grand. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Tu donnes un égal à Allah سبحانه وتعالى alors celui qui t'a créé, c'est ça le shirk. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المبيقات أي les sept péchés. ذكر أول هذه الذنوب الإشراك بالله. فلا شك أن الشرك c'est أعظم الشرور et c'est أكبر الذنوب. فلا personne il doit connaître هذا الشرك, il doit connaître ses causes. Il doit connaître les catégories du shirk, l'akbar, l'asghar, l'khafi, il a akhiri. Tout ça pour qu'il s'en écarte. Et tout ça, on l'a détaillé, walillahi alhamd, dans les doros qu'on a fait, fi al-tawhid. Qala, yaqulu al-sha'ir, araftu al-shar la li-shar, lakin li-tawakihi, wa man la y'arif al-shar min al-khayr yaqa' fihi. Hada sa bayt, ma'rouf, mashhour. C'est de ce vers de poésie annahu يعني يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. Aïe, j'ai appris le char, je connais le char. Pas pour le char lui-même, abadan, lakin pour m'en protéger, pour m'en écarter. C'est ça le maqsoud. قال ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ثم il te montre que celui qui connaît pas la différence entre le char, entre le mal et le bien, فيقع فيه. Il peut tomber dans le mal. كم من الناس الان ils font des bid'a, ils croient que c'est du bien. Alors que c'est min al-dhalal. كم من الناس ils font du shirk, ils croient que ça les rapproche d'Allah. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كم من الناس يفضي معاصي يفضي مصائب يخاف كسيدو خير. لماذا؟ لأنه يكون يصبح حقيقة الشر. وهذا الشر إلى ضابط. الشر سي با توا كي ديسيد سي كوا كي الشر سي كوا كي مال سي كوا كي بيان. أبدا. هذا الشر إلى ضابط. تسكو الله سبحانه وتعالى إي سون بروفيت صلى الله عليه وسلم il nous a montré que c'est du mal, maintenant cette chose c'est du mal, c'est un mal. C'est ça, al-dhabit. Comme ça tu reconnais al-shar. Al-shar, tu ne suis pas les gens. Ba'd-nas, khasatan al-an, ils ont une compréhension du mal, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Ba'd-nas, ils combattent l'islam. Ils croient que al-hijab, al-hudud, il-akhir, ils croient que c'est du shar. Alors que c'est du khayr. Fa'ntabih. Anna al-khayr wa al-shar. C'est le Coran et la Sunna qui te montrent c'est quoi le khayr, c'est quoi le shir. قال وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قال في الحاشية أخرجه البخاري ومسلم. نعم الحديث اللي في الصحيحين. هذا طيب. هذا سي ليكزامبل دان كومبانيون حذيفة بن اليمان أنه يدومادو بروفيت صلى الله عليه وسلم عن الشر. وكنت أسأله عن الشر فإي دوموندي عن الشر. بوركوا؟ قال مخافة أن أقع فيه. لأن حذيفة سي ان كومبانيون دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. Il a été éduqué par le prophète عليه الصلاة والسلام. فإي سي كو إي بو تومبي دون المال. فلا سول شوز كي بو بريزيرفي دو هذا سي دو كونيت لو مال. جو سي كو سيت شوز إلي موفيز جو مون إيكارت. فهذا. و للأسف تتخوف أن بعض الناس في الدنيا يزابليك كثيرا هذا. Maintenant, la nourriture, il fait attention. Une chose de périmée, abadan, il l'approche. L'Yana, il sait que ça peut lui faire un mal. Il sait que ça peut être un char pour lui. Et tu le trouves, Fiddin, aucune recherche. Fiddin, il n'a aucun filtre. Tout ce qui vient, il prend. Que ce soit sunna, bid'a, shirk, tawhid, tu le vois, il n'a aucun filtrage. Enfin, tu le vois, il fait du khayr, il fait du char. Enfin, al-inaya bi hadhihi al-masala. Le musulman, il fait attention. Fais attention, d'aïman il fait des recherches, c'est quoi qui m'emmène mon bien, c'est quoi qui peut me faire du mal. Il a akhiré. Sache que ce qui te donnera du bien, c'est de suivre le Coran et la Sunna. Et ce qui peut te donner un mal ou ce qui te fera du mal, c'est de contredire le Kitab et la Sunna. قال فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر والبعض اليوم يقول تعرف الحق وليس من الضروري أن تعرف ما يضاده. صحيح بعض الناس الآن يخافون من الردود العلمية يخافون من فيقولون في هذا الكلام تبقى بجد كنت الباطل تكون الحق ساشفي. نحن نودي أن في الدنيا كما نفعل في الاكزامبل في الدنيا بيخصون أكسبت هذا. لماذا في الدين لماذا في الدين بعض الناس إذا سيد أبلي هذا؟ فمثلا أمريد أملك لفد السواني سان بيان سان خير لابد يكونس المال لابد كما يبقى السواني لابد. Ils font des études, ils recherchent. C'est quoi la maladie qu'il a? C'est quoi le char? Ça peut être une infection, ça peut être une inflammation, ça peut être un virus, ça peut être. Ils connaissent le char et ils le combattent. Thomas le malade, ils lui disent faut plus que tu prennes ça, faut plus que tu bois ça, faut plus que tu manges ça. Et il lui montre le char, il s'écarte et bien, il aura la bonne santé. Il nous dit là fait din, il n'y a pas besoin. Pas besoin de connaître le bâtel, tu connais que le haq. بعض الناس يسواني لمالادي avec du poison صراحة. بعض الناس يفل رجلي لشوز لا يعلمون. أين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يميتاو قاعد contre الشر؟ أين كلام الصحابة؟ أين كلام أهل العلم؟ ثم تتخف واحد يقول مثل هذا الكلام. يعني سيبا ضروري تكون الباطل. لماذا يدي ساها سيد بيرسون؟ لأن لوي مامي لدى الباطل. Et il sait que si la personne est dans le bâtel, il cherche le bâtel, il va le délaisser. Il le sait. Ah oui, il sait que si on connaît le bâtel, on mettra en garde contre lui. Enfin, pour se protéger, protéger sa petite personne, il dit aux gens, faites pas attention, le bâtel, c'est pas important. Quel bâtel, c'est pas important à connaître? Comment tu vas mettre en garde les gens? Comment les gens vont faire attention? Hada, c'est kalam. Kalam ahl al-ahwa. قال الشيخ الفوزان وهذا باطل لأنك إذا لم تعرف الباطل يضل خفيا فتضل عن الحق لا سيما ودعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لإضلال الناس. راجوت avec tout ça أن il y a des gens leur objectif c'est de garer اليهود النصارى العلمانيون الديمقراطيون الماسونيون tout cela أعداء الإسلام الروافد الصوفية tout cela c'est un harb على المسلم ils combattent l'islam ليل نهار il connaît pas le bâtel un sauvi vient lui dire quelque chose il ne peut pas savoir si c'est haq ou bâtel un rafidi un yahoudi un nasrani il ne peut pas savoir ce qu'il dit si c'est vrai ou faux ça vous montre que ceux qui disent cela il ne faut pas connaître le bâtel imma c'est un jahl بعض العوام مساكين ويصفى يسيبا هو لا بد علم او سي ان بيرسون لوي ميم يلي من اهل الضلال انتبه ايها المسلم انتبه ان بعض الناس الان يكوبات الاسلام يكوبات السنه ليل نهار فسوا با غافل هكذا سوا با انسوسيون je crois que tout le monde veut ton bien tu crois ابدا reste sur tes gardes apprends ton din apprends التوحيد apprends الشرك apprends السنه apprends البدعه اطلب العلم ان شاء الله مع الاستعانه بالله avec الدعاء فباذن الله tu seras على خير اما هكذا insouciant pas de dua pas de ilm tu fais confiance à tout le monde t'écoutes tout le monde فهذا في الغالب لا يسلم ابدا au pire des cas au meilleur cas plutôt il aura des choubah au pire des cas il s'égarera صلى الله السلامه والعافيه والدليل ان بعض الناس يريدون اضلال المسلمين قول الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الصالحين هذا إمامهم إبليس الشيطان عليه لعائن الله قال هذا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى جغي الخبيث إلى جغي بعزة الله لأن إبليس يسيك الله سي العزيز يسيك الله سي القادر على كل شيء يسيك يبغى ينفر سي الله il ne lui donne pas l'autorisation. Il le sait, هذا. فَبِعِزَّتِكَ Il jure. أَنَّهُمْ Il va tous les égarer. إِلَّا مَنْ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الصَّالِحِينَ Ça te montre أن la personne qui est pieuse, العبد الصالح, العبد الصالح, c'est celui qui suit le Coran ou le Sunnah. Et il est مخلص لله عز وجل. هذا, tu le trouves, إذن الله, il sera protégé من هؤلاء. أما celui qui est pas صالح, pas de kitab, pas de Sunnah, pas de ilm, il écoute tout le monde, فهذا, il peut se faire égarer par Iblis alayhi la'natullah wa du'at al-dalal kama ta'lamoun c'est junoud Iblis al-yahoud wal-nasara tout cela c'est junoud Iblis ils combattent le Coran et le Sunnah et ils combattent hamalat al-sunnah قال الشيخ الإسلام بعد هذا رحمه الله قال فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي وهذا مما لا شك فيه أن أكثر من يدعي الدين la plupart de ceux qui prétendent qui connaissent le din la plupart d'entre eux ils connaissent pas السنة ils comprennent pas السنة ça te montre أنت une فائدة عظيمة من هذا أنك si tu veux le حق tu prends pas le حق de la majorité أبدا crois pas que ce que font la plupart des gens مثلا la plupart des gens مثلا ils font كذا crois pas pense pas que c'est forcément le حق أبدا الحق اللي في الكتاب والسنة ولو سيسين من أغتيك اللي فات قال الشيخ الفوزان حفظه الله والمشركون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير لأنهم لا يعرفون الشرك فصاروا يتقربون به إلى الله انظر بسبب جهلهم هؤلاء يتقربون إلى الله بأعظم الذنوب وبأكبر المعاصي ils veulent se rapprocher d'Allah C'est quoi le sabab? Al-jahl. Il connaît pas le char. Il connaîtrait le char. Il comprendrait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il comprendrait هذا الكلام. Il saurait en le fait d'adorer une tombe. Ça ne me rapprocherait pas d'Allah. Ça ne me rapprochera pas d'Allah. Abadan. Qu'est-ce que ça va me rapprocher d'Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas هذا الشيء. Ondr. Al-jahl. Ou que ça pousse بعض الناس. أنهم يصاغوا أبوا يزدغ الله سبحانه وتعالى أن يدونهم ديزاسوسي قال فهم يذبحون للأولياء والصالحين ويتبركون نعم بقبورهم ويستغيثون بهم ويقولون نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنهم لا ينفعون ولا يضرون لكن هم صالحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه شبهة Ils ont une ambiguïté l'un. Annaoum, ils disent, nous, on sait que cette personne, elle ne peut rien me donner, elle ne peut rien m'enlever, il a arrêté. Lakin, c'est, je le prends, il intercède pour moi, indallah. Et on a répondu, wallah, alhamdulillah, cette shubha, fi kitab, kashf al-shubuhat, et في كتاب تطهير الاعتقاد. نعم الخلاصة أن ولو شيء صالح تبقى الله دغري لأن الادوغاسيون سي خاص pour Allah et celui qui adore autre qu'Allah c'est un mushrik. Il peut adorer un prophète, un ange, ce qu'il veut autre qu'Allah c'est un mushrik. فتبقى besoin un tas d'intermédiaires. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala مباشرة et adore Allah seul sans associer. قال لكن هم صالحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه كما قال الله عن أسلافهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم نعم يغكنسهم هذا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم فيغكنس أن سكزادوا عندو عبد الله سالغدنوا كامبيا سالغبوس وكمال قال ولا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال اتخذوهم شفعاء فقط وفي الأخرى أي الآية الأخرى وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الشاهد أن هؤلاء المساكين يكفكسوا على حق قال عز وجل وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي لزيقر دو دروشما ويحسبون أنهم مهتدون المساكين يكفكسوا على حق سكوا السبب الجهل يكون اسبا الشرك يكون اسبا حقيقة الشرك فلهذا يكون كده إلى على حق بل si tu viens mettre en garde pour lui il comprend pas لماذا tu dis ça pourquoi tu dis ça لابد أن la personne il donne du temps à son dîn لابد خاصة في هذا الزمن le temps il passe vite دعاة الضلال ils sont كثير ceux qui prêchent au shirk il y en a beaucoup العلم il est قليل الفتن il y en a beaucoup فلابد الإنسان يجتهد et il donne du temps لهذا العلم قال حفظه الله لم يتعلموا فهم يحسبون أن هذا خير نعم à cause de leur جهل ils ont pensé que ce qu'ils faisaient c'était du خير alors ce qu'ils font c'est أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل قال وهذا هو واقع غالب الناس اليوم الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعهم يتقربون إلى الله بالشرك مثل ما تقرب المشركون الأولون يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويقولون ما عبدنا غير الله لكن هؤلاء رجال صالحون ونحن قصدنا أنهم يتوسطون لنا عند الله فقط استشبه ولله الحمد on l'a vu en détail في كتاب كشف الشبهات كذلك في تطهير الاعتقاد leur ignorance elle les pousse il attend autre qu'Allah كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب quand on avait fait كشف الشبهات أن tu lui demandes c'est quoi une عبادة est-ce que le fait d'égorger c'est une عبادة il va dire نعم لأن si j'égorge pour Allah je me suis rapproché d'Allah enfin le fait que j'égorge pour autre j'ai associé dans العبادة c'est tout simple لكن هؤلاء لا يفهمون il va dire لا c'est une personne pieuse Anna j'ai pas envie de faire du shit Al-Mas'ala c'est pas ce que t'as envie ou t'as pas envie Al-Mas'ala c'est ce que tu fais Allah il va te juger sur tes œuvres. Ce que tu fais c'est du shirk c'est du shirk لأن العبرة c'est بالعمل أما الهوى لا قال والله يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما أرادوا الشرك ولا قصدوه هذا c'est ça qu'on a dit أن هؤلاء leur قصد c'est pas de faire du shirk ou du shirk أبدا ce qu'ils veulent c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لكن كما تعلمون c'est pas tous ceux qui veulent faire du khair qui arrivent à faire du khair si t'avais les moyens d'apprendre on t'a montré on t'a conseillé Thomas la personne il dit là Anna j'ai pas voulu ça ne servira à rien عند الله قالوا إنما ظنوا أنهم يؤدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه يقربونهم إلى الله زلفى انظر كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم وكيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم ويزينون هذه الأمور à ton avis أنت pourquoi هذا المسكين il pense que ce qu'il fait c'est une عبادة pourquoi إلا الشيطان il lui a fait croire هذا دعاة الضلال بعد دعاة الضلال ils écrivent des livres pour appuyer هذا c'est pas grave ce que tu fais écoute pas le wahhabia écoute pas cela ils veulent ton mal et ils lui montrent le char qu'il fait ils lui embellissent ce que tu fais c'est pas grave quand t'aimes le prophète t'aimes le salih si t'égorges pour lui c'est que tu l'aimes bien et al-miskin s'égare miskin s'égare notre dîn c'est pas un dîn de sentiment notre dîn c'est un dîn de haq si t'as un argument tafaddal montre si on te conseille avec un dalil accepte akhi أما للسنتيمون جي فولو جي با فولو ساترا با دو غراند اوتيليتي عند الله. قال نقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله. نقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله. انظر للشبهة اللي أقصد صحيح والله بي هذا فكرة الشبهات كثيرا. أنا بعض الناس ils ont fait une différence, ils ont dit نحن نادور pas les statues. نحن نادور pas les statues. نحن on demande à un pieu qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. شبهة. Ils se sont fait avoir par quoi? أنهم ils ont compris أن الشرك c'est le fait d'adorer la statue فقط. Mais on lui dit, qui c'est qui t'a dit que shirk c'était le fait d'adorer la statue seulement? Qui c'est qui t'a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre dans le Coran, adorer Allah et n'associer personne. Personne, il y a la statue, il y a toutes les créatures qui ont. Fa anta tu dois adorer le Rabb, ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum. Amma andur la shubha. Ana j'adore pas une statue. Mais on lui dit, la shirk, en adorer la statue c'est du shirk. Lakin adorer un mort c'est du shirk aussi. لأن تعذري أطرق الله أو تعذري avec الله نطرق فهذا راجع كالشبهات toutes ces مسائل نحن on détaillera pas trop لأن on l'a vu en détail في كالشبهات تتهر الاعتقاد. قال والله جل وعلا اعتبر هذا شركا فقال ويعبدون جعله عبادة. نعم ils adorent الله سبحانه وتعالى il a appelé leurs actes ce qu'ils font ce qu'ils prétendent se rapprocher ils demandent un pieu pour qu'ils le rapprochent d'Allah الله سبحانه وتعالى il l'a appelé عبادة. Et donner une autre ibada à autre qu'Allah, c'est du shirk. Ça, c'est une règle. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. T'as pas le droit d'invoquer, d'adorer autre qu'Allah. قَالَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ. نعم الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de هذا. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin d'eux, abadan. Qala faqal subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé leur fi'l shirk. Fanahnu on va croire qui l'an? On va croire ashab al-shubuhat ou on va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hum la yusammunahu shirkan yusammunahu talab shafa'a fayajib al-tanbih al-tanabuh lihada. Na'am. Waman asdaq min Allah qila waman asdaq min Allah haditha. Fa la shak أن الله سبحانه وتعالى إلى أبل يقفع الشرك فسد الشرك ولو فلان إلى أبل شفاعة فلان إلى أبل كذا فلان نو سكي نوز انتغس نت كريانس سبق الله سبحانه وتعالى. قال أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر طالو طائت تجي لكن سكو الشرك الآن ستموت خلنا سبطو سكي زيتودي كي كومخل. Tu peux trouver une personne, il fait un livre, il lit un livre, deux livres, trois livres, et il ne comprend pas. قال وأنه لا يغفر لكن فهم الشرك أينه. Ça y a une différence entre étudier, lire et comprendre. Tout mal à compréhension, elle implique l'application. هذا, c'est ça l'essentiel في ديننا. Mais واحد il lit le Coran du début à la fin. ثم une personne adore une tombe, il dit là c'est pas grave. يا أخي أين قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا on lit نحن ce verset? لماذا? Si on voit du shirk et ça ne nous fait pas bouger, t'as les mains dans le lit. Ça n'a d'aucune utilité. قال لابد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو الشرك وما هو التوحيد. هذا tu dois connaître أنت هذا. Tu dois connaître. حتى si c'est du tawhid, tu le fais. Si c'est du shirk, tu t'éloignes. Si tu vois une personne qui fait du shirk, tu mets en garde. وهكذا. قال هم يقولون هذا من التوسل بالأولياء والصالحين وهذا هو التوحيد وهذا يحبه الله. وأن هؤلاء عباده وأنهم صالحون. هكذا يديزهم. يديز لا. مثلا يزيغوش pour la tombe pour سيدي فلان. يديز نحن ce qu'on fait c'est pas du shirk. Ce qu'on fait c'est du tawassul. C'est un intermédiaire et nous rapproche d'Allah إلى آخره. لا المسألة c'est pas ce que vous prétendez. المسألة c'est le haq. Enfin, on revient tous au kitab et à sunna et on regarde ce fi'l. Est-ce que c'est du shirk ام لا? Enfin, égorger pour autre qu'Allah c'est du shirk ام لا? لا شك هذا. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله يتموت خلنا النسك الذبح لا شريك له. فبل ربنا نسوسي هو إذا قوش براتو بدي سبا دي الشرك. قال والله يحب هذا فيتقربون إلى الله بهؤلاء يسمونه الدين ويسمونه التوحيد ويسمون الشرك توحيدا لجهلهم وعمى بصائرهم. نعوذ بالله من الخذلان. إذو tout inversé, wal'ayadu billah. Le ma'rouf c'est devenu munkar, et le munkar c'est devenu ma'rouf. Shirk c'est devenu tawhid. T'adores Allah seul, maintenant, tu ne sais pas ce qu'ils font avec, leur, avec les morts, et ils disent Hada sa wahhabi, Hada ils respectent pas l'awliya, Hada. T'es égaré, alors que t'es à la haq. Eux ce qu'ils font, shirk l'ayn nahar, c'est des awliya, inda ba'd an-nas. لكن لو يعطى الناس بدعواهم لدعا قوم دماء قوم واموالهم. Si on donnerait les choses par rapport à ce que prétendent les gens, فبعض الناس ils auraient demandé l'argent et le sang بغير حق. Ils seraient venus vers toi مثلاً, l'argent que t'as c'est le mien. هكذا il prétend هو. لكن c'est pas هكذا. البين على المدعي. لابد celui qui prétend une chose il emmène un dalil. وأين الدليل أن ce qu'ils font c'est pas du shirk. بل ce qu'ils font c'est عين الشرك. On a fini la muqaddima wa lillahi alhamd. Fa'an, la conclusion de tout ça, anna min a'zam alwasa'il, parmi les plus grandes causes qui vont te faciliter à comprendre le tawhid et à comprendre le shirk, ba'd ad-du'a wa l'isti'ana billah wa l'ijtihad fi talab al-'ilm, une des plus grandes causes c'est que tu étudies la sira. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et hada cheikh l'islam an va nous citer 6 points pour te montrer c'est quoi le shirk. Et c'est quoi le tawhid ? 6 points de la biographie. Là, la personne donne du temps à hadha al-ilm. Khassatan ilm al-aqida wa al-tawhid. Al-tawhid, c'est la chose qui va te rentrer bi-idhnillah fil jannah. Et al-shirk, c'est la cause qui pousse la personne à rentrer fil nar. Là, la personne haqqaq al-tawhid, et il connaît al-shirk hatta yabta'id an, et asa Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiya. Ilahuna, subhanaka Allahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج افاق.com